Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes amis. Et nous sommes ce matin encore en train de regarder le deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 12. Notre bon Père du ciel, depuis quelques jours qu'on voit les insensés, les insensés, les insensés. Les insensés se glorifient selon la chair, mettent l'appui sur la chair, proclament leur chair et leur accomplissement. Exalte le moi humain. Mais ce matin, nous allons regarder les paroles d'un sage. Les paroles que chaque croyant dit. Chaque croyant croit. Parce que c'est la vérité, c'est la vie que tu nous as amenés à vivre dans ta sagesse, dans ta souveraineté, dans ta bonté. Donc aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin par l'apôtre Paul. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. L'apôtre Paul a parlé dans les chapitres 10, 11 et 12 des faux apôtres, des ministres de Satan, des anges du diable déguisés en anges de lumière. Et il a parlé au chapitre 11 et au chapitre 12 en partie de ces insensés qui ont l'habitude de se glorifier selon la chair. Et on a vu que Paul il dit, je suis à rien inférieur à eux dans la chair. Mais je suis de loin supérieur à eux dans la foi, dans la vérité. Mais si vous voulez vous comparer juste dans la chair, je suis plus qu'eux, plus eux dans les travaux, dans les souffrances, dans les difficultés, dans la pauvreté, dans les persécutions. Je suis plus qu'eux. Même quand je veux me comparer dans la chair, ce que je ne devrais pas faire, ce qui n'est pas bon, je suis supérieur quand même. Il faut se glorifier. Il dit, on pourrait se glorifier d'un homme qui a reçu des paroles de Dieu lui-même dans le paradis. Et on croit que c'est Paul qui parle de lui ainsi. On pourrait se glorifier d'un tel homme. Mais de moi, en tant que personne, en tant que chrétien, me glorifier de mes accomplissements? Ben non. Et là, il va commencer à dire, du verset 5 jusqu'au verset 10, qu'il se plaît dans les faiblesses et dans les moments difficiles de la vie pour Christ. Donc, prenons le temps de lire chapitre 12, verset 5 jusqu'au verset 10. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, je crois qu'en comparaison avec les faux apôtres, les faux docteurs, les faux enseignants, qui eux autres voulaient cacher leur état de faiblesse, leur infirmité, l'apôtre Paul, lui, dit qu'il se plaît dans ces moments de difficulté-là. Dit qu'il se glorifierait, au verset 5, « Je me glorifierai de mes infirmités. Pourquoi dire une telle affaire? Parce que la tendance de l'être humain, c'est de cacher ses infirmités. Hein? Quand physiquement on a une infirmité quelconque, on a tendance à vouloir la cacher par toutes sortes de moyens. J'ai pas de cheveux, je mets un toupette, une perruque. J'ai un bouton, je mets quelque chose par-dessus pour le cacher. Toutes les petites infirmités qu'on pourrait avoir physiques, on a tendance à vouloir les cacher. Alors, je me souviens que quand on avait des enfants infirmes, anciennement, on avait tendance à les cacher. Paul dit, si je devrais me glorifier, je me glorifierais plutôt de mes infirmités. Le mot infirmité, c'est, je ne crois pas que Paul parle seulement, du moins, d'infirmité physique. Le mot pourrait être traduit maladie, faiblesse, moment de difficulté. Il va donner une explication, ça, au verset 10, de ces moments-là de faiblesse ou d'infirmité dans lesquels il parle. Si je me glorifie de mes infirmités, c'est ce qu'on a vu un peu hier, c'est pour éviter que les gens aient une trop haute opinion de moi. Je veux pas. Je veux pas qu'il y ait une trop haute opinion de moi. Je veux qu'il me voie tel que je suis. Un chrétien sauvé par grâce, que Dieu a appelé dans sa grâce pour le servir, pour l'adorer, pour le glorifier. C'est pour ça qu'il se plaît ou qu'il se glorifie dans ses infirmités. Parce que les infirmités ou les calamités ou les difficultés qu'il va vivre, lui permettent aux gens de le voir tel qu'il est. Dans notre tendance, dans la vie chrétienne, des fois on a tendance à vouloir se montrer plus spirituel ou plus moral ou plus ce qu'on veut. Quand l'apôtre Paul dit non, moi je veux que tu me vois tel que je suis. Puis il dit au verset 7, il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil des révélations que j'ai eues, parce que là, il parle, je crois, de cet homme qui a été ravi au paradis. Il dit, pour que je ne sois pas devenu orgueilleux de cela, parce que la tendance, c'est d'être orgueilleux des exploits qu'on vit, des choses que Dieu a faites dans notre vie. Il dit, pour que je ne sois pas orgueilleux, il y a une écharde qui a été mise dans ma chair. Peu importe comment vous allez interpréter écharde. Ange de Satan, c'est douloureux, ça fait mal. Un écharde, ça fait mal. On veut l'enlever. Un ange de Satan qui me frappe, qui me soufflette, ça fait mal, c'est pas agréable. Donc il dit, Dieu a voulu, Dieu a permis, Dieu a mis dans Paul un écharde, un ange de Satan, pour le garder humble. Dieu veut garder ses enfants humbles. Et il permet les infirmités, les faiblesses. Parce que vous savez, la tendance, c'est de devenir orgueilleux de ce que Dieu a fait en nous. La tendance, pour Paul, c'est de devenir orgueilleux. J'ai été choisi. Dieu m'a pris, moi, pour être un missionnaire. Dieu m'a pris, moi, pour être quelqu'un de spécial. Dieu m'a amené jusque dans le paradis. Il m'a révélé des choses. Jésus m'a apparu à plusieurs reprises pour me révéler l'Évangile à moi, personnellement. Il aurait pu s'orgueillir de cela. Et dit Dieu lui-même est intervenu. Dieu se charge de nous garder humbles. Pourquoi? Parce que quand on est humble, lui est glorifié. Quand on est orgueilleux, lui ne l'est pas glorifié. Donc, il dit, je vais te garder humble, Paul. Parce que la réaction normale de l'être humain dans les infirmités ou dans les moments de difficulté ou de faiblesse, c'est le verset 8. Je prie, enlève-moi ça de là, Seigneur. Enlève ça de là. Soit pour des raisons, on pourrait dire, spirituelles, Seigneur, je vais te servir mieux si je ne suis pas dans l'infirmité ou dans les moments de faiblesse. Ou tout simplement parce que je veux mon bien-être et je veux juste l'enlever. C'est la tendance. C'était la tendance des faux apôtres aussi. de dire que Dieu, lui, va enlever les infirmités et les faiblesses de nos vies, les moments difficiles de nos vies. Mais il dit non. Non. Il dit, je les veux, là, pour que tu sois humble. Il dit, si tu veux passer maintenant à travers cela, c'est pas que je l'enlève, je veux que tu vives dedans, je veux que tu passes à travers cela et que tu continues à m'aider, à m'aimer, à me servir, à me glorifier. Il dit, ma grâce te suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon moi, ma grâce te suffit, c'est ce que moi j'ai fait en toi, pour toi, dans ta vie. Ça suffit pour que tu puisses continuer à croire en moi, à proclamer ma parole, à travers les infirmités, à travers les difficultés, à travers la vie que j'ai planifiée pour toi dans ce monde. Ma grâce te suffit. Parce que dans ce moment-là, il dit, quand tu es faible, quand tu es dans ces moments de difficulté-là, moi, ma puissance se manifeste. Donc, Paul, il dit, je me glorifierai de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il dit, je vais accepter ces moments difficiles-là parce qu'à travers cela, Christ va intervenir, il va m'utiliser pour se glorifier, pour s'exalter, pour se faire connaître. Donc, Paul, il dit, je ne veux pas enlever les infirmités, je les accepte afin que Dieu les utilise pour se glorifier. Notre tendance, qu'on pense que quand, si ça irait bien, si ça va bien, si toutes choses tournent rond, et là qu'on n'est plus malade, on n'a pas d'accident, tout va bien, les enfants fonctionnent bien, le couple fonctionne bien, tout va bien, il n'y a pas de difficulté dans la vie, on va glorifier le Seigneur. Mais il semble que ce n'est pas le chemin que le Seigneur a pris, en tout cas pour l'apôtre Paul ici, et pour la majorité des chrétiens. Tant qu'on est dans ce monde, on a des difficultés. Il y a des infirmités, il y a des moments de faiblesse. Et Paul dit au verset 9, hein, 10, excusez, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Pour Christ. Pas pour d'autres choses, là. Et je me plais dans ces choses-là que je vis, qui sont difficiles, pour Christ. Sais-tu qu'il vit ça à cause de Christ, à cause de ce qui appartient à Christ, qu'il vit pour Christ? Ou je suis prêt à accepter cela, à continuer à vivre cela? Je suis prêt à accepter cela de la part de Dieu pour que Christ soit exalté. Peu importe, les deux sont valables, les deux sont vrais, les deux sont bibliques, ces deux pensées sont bibliques. Paul dit, je veux accepter les infirmités dans ma vie parce que ces infirmités-là, à cause de Christ ou pour Christ, c'est alors que je suis fort. Qu'est-ce qu'il veut dire par fort? Fort, pour moi, simplement, en tout cas dans le contexte, c'est de continuer à vivre pour Dieu, pour Christ, à travers les infirmités. Garder la foi, ça, c'est la même pensée selon ma tête à moi ici. Il dit, si j'accepte les faiblesses, les calamités, les infirmités pour Christ, je suis fort à ce moment-là, donc je peux continuer à fonctionner. Ce n'est pas qu'il devient fort physiquement, ce n'est pas qu'il devient fort spirituellement dans le sens que maintenant il fait moins de péchés, il évangélise plus, il va être plus béni, sa sanctification va de l'avant. Non, fort, c'est en comparaison de faiblesse, hein? Si la faiblesse, là, dans notre contexte, c'est celui qui abandonnerait, c'est celui qui suivrait les faux apôtres. Mais il dit, je suis fort, ça veut dire que je continue à marcher pour Dieu. Quand je ne m'appuie pas sur la chair, mais que je m'appuie sur la grâce de Dieu, je peux continuer à fonctionner. Quand je comprends que tout ce qui m'arrive, soit de prison, soit de paradis, hein, pour l'apôtre Paul, il dit, j'étais en prison, j'ai souffert de la faim, de la nudité, et il y avait des bonnes journées, entre guillemets, et là, il dit, je monte au paradis même. Automatiquement, il dit, peu importe, je suis fort. Dieu me garde humble, et je continue à marcher avec lui, pour lui, dans la vie de tous les jours. Donc, quand pour Christ, je souffre, je m'appuie sur sa grâce et je continue. Quand pour Christ, je vois venir les difficultés, l'emprisonnement, la pauvreté, je les accepte, ces moments-là, dans ma vie, pour Christ, pour que lui soit glorifié. Donc, l'apôtre Paul, ici, dans sa comparaison avec les faux docteurs, dit « Je n'ai rien à leurs envier. » Eux autres, ils veulent se soustraire aux infirmités et vous encourager à vous soustraire aux infirmités. Moi, je vous dis que je les ai acceptés pour la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, afin que Dieu soit glorifié dans ma vie et par ma vie. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu as décidé de nous garder humbles, comme Paul, je crois. Paul a été gardé humble parce qu'il a vécu des grandes, grandes choses qui t'avaient dans sa vie. Mais t'es gardé humble dans les bons jours, dans les mauvais jours, par ta grâce. Ma grâce te suffit, Paul. Et nous autres aussi, Seigneur, ta grâce nous suffit. Ce que tu as accompli en nous, est-ce que tu accomplis par nous aujourd'hui? Est-ce que tu vas faire en nous, dans l'éternité? Un jour, tu vas nous emmener dans ce paradis comme Paul, et nous allons te voir, t'entendre, on va pouvoir te servir là, te glorifier là. On est conscient que c'est pas notre force qui nous tient debout. C'est pas nos exploits, c'est pas nos œuvres qui nous tiennent debout. C'est ta grâce qui nous tient debout. C'est ce que tu permets dans nos vies qui nous tient debout. Que ton nom soit glorifié.